La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Qu'est-ce que la vie ? Voici l'une des questions les plus simples à poser et probablement l'une des plus compliquées à définir. Depuis des temps immémoriaux, les penseurs comme les biologistes cherchent à comprendre ce qui caractérise précisément la vie, mais aussi à retracer le scénario le plus exact possible de son apparition sur Terre. Car jusqu'à présent, la vie est une incroyable singularité de notre planète. Et le chercheur Thomas Himes, dans un ouvrage qui paraît au Seuil, s'intéresse à l'évolution graduelle de la vie, avec l'idée donc que cette dernière n'est pas apparue d'un seul bloc, mais au contraire au cours de nombreuses étapes intermédiaires. Une sorte de transition douce entre le non-vivant et les toutes premières cellules appelées les infravies. Thomas Himes est mon invité dans un instant et vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, on va s'intéresser à la vie également, présente dans les océans, la vie microscopique. Oui Mathieu, des chercheurs ont réalisé un inventaire des populations virales présentes dans tous les océans du globe. Et ce travail minutieux pourrait être riche en enseignements sur les écosystèmes marins. On en parle dans quelques minutes. Et c'est Claire Destacan qui réalise cette semaine l'émission préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, dossier préparé par Sophie Vaux. Bonjour Thomas Himes. Bonjour, merci de votre invitation. Bienvenue, vous publiez donc Infravie aux éditions du Seuil, l'occasion de parler avec vous de ce qu'est la vie, de ce qui a permis son émergence sur Terre. Un vrai casse-tête quand même de s'attaquer à cette question en biologie, hein. C'est compliqué quand même. Oui, hein. À la fois on tourne autour un peu comme un attracteur étrange, hein. C'est quand on s'intéresse au vivant, on a envie d'aller percer ce mystère essentiel. Ouais. Et donc on lui tourne longtemps autour et puis peut-être on finit par se jeter dans le grand bain. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui fait consensus dans la communauté scientifique sur la définition de la vie et puis ensuite sur le scénario de son apparition ? Ah bah, il y a des grands axes qui font consensus, en tout cas pour la vie telle qu'elle existe sur Terre. Après, on pourrait se poser des questions plus génériques sur qu'est-ce qu'on s'attendrait à trouver quand on cherchera de la vie ailleurs que sur Terre, à d'autres échelles ou sur d'autres planètes. Mais une des surprises, un des points de départ de mon enquête, on pourrait appeler ça une enquête épistémologique, c'est de s'apercevoir que sur la définition du vivant elle-même, il n'y avait pas de consensus, que c'était lié peut-être déjà à des disciplines différentes. Des généticiens peuvent passer des années à s'intéresser à une manière de parler de la vie qui ne sera pas la même que des physiologistes. Un généticien des populations peut s'intéresser toute sa carrière à des virus. Or, des physiologistes vont lui dire, et ils seront contestés par d'autres pour cela, que les virus ne sont pas vivants. Donc, ces recoupements seulement partiels qui m'ont amené à me demander s'il y avait une manière de caractériser ce vivant, une manière un peu originale, si d'autres s'y étaient attelés. Ça, évidemment, j'avais ma petite idée derrière. Évidemment, plein de gens s'y sont attelés. Et ce qui m'a amené à proposer une piste qui me paraît un peu sortir des sentiers battus. Ouais, alors on va en discuter parce que effectivement vous avez choisi d'aborder la question sous un angle un peu différent, en vous demandant presque en faisant de la provoque d'ailleurs si la vie existait vraiment déjà. C'est une drôle de question ça quand même, non ? Oui, on ne doit pas s'en interdire en tout cas. Enfin, quand on travaille en science et puis surtout quand on est matérialiste, qu'on se demande si vraiment l'objet vivant a son originalité propre. Et j'en suis d'ailleurs arrivé à la conclusion que d'une certaine manière, la vie n'existait pas. Mais alors, je vais évidemment, ça mérite d'être en tant que catégorie. Exactement. Voilà. Pour être tout à fait précis. La vie n'est pas un. Pour moi, ma proposition, c'est que la vie n'est pas un périmètre, n'est pas une catégorie, c'est autre chose qui est tout à fait accessible à l'expérimentation scientifique. Hein, ce n'est rien de mystérieux, de surnaturel. Il faut bien le préciser dès le départ. Que c'est quelque chose de très tangible, mais qu'on peut imaginer que c'est autre chose qu'un périmètre. Ouais, donc, en tant que catégorie, la vie ne serait jamais apparue. Hein. Voilà, c'est un peu ça d'ailleurs la conclusion. Ça en découle assez directement, c'est que si on considère que la vie est plutôt quelque chose de l'ordre de la tension dynamique, cette tension dynamique, elle préexiste dans d'autres systèmes qu'on ne considérerait pas a priori comme vivants, comme des systèmes minéraux par exemple. Ouais. Et dans la manière qu'on a de concevoir le vivant aujourd'hui, toutes les formes de vie un peu bizarres que j'évoque dans le bouquin sont des problèmes. Ouais. Moi, je pense qu'elles sont les solutions aux problèmes. Et donc, toutes les formes qui peuvent se rapprocher éventuellement même de formes minérales sont des indices qui peuvent nous permettre de repenser le vivant autrement que sur des choses assez classiques, par exemple la notion d'ordre, la notion de complexité ou la notion d'organisation, mais plutôt dans le domaine de sa capacité à être créatif. Ouais. Une créativité aveugle, évidemment. Hein. Pas, il y a encore une fois pas de force mystérieuse qui plane au-dessus de tout ça, mais cette manière de résister en permanence à l'engloutissement par l'adaptation, par la dynamique d'adaptation, c'est quelque chose qui, à mon avis, caractérise l'originalité du vivant, mais qu'on peut aussi trouver dans des systèmes qui le préfigurent. Ouais, ouais. Alors, ce qui va nous permettre justement d'évoquer avec vous ce passage de l'inerte, hein, du minéral inerte à la matière vivante, parce que ça, c'est absolument étonnant et fascinant dans l'histoire même, hein, justement, de l'apparition de la vie. Et puis, voir avec vous cette zone grise que vous décrivez et que vous appelez donc infravie, hein, voilà, qui caractérise... C'est une proposition de terminologie qu'on peut d'ailleurs débattre, mais effectivement... je ne voudrais pas proposer une zone intermédiaire au moment où j'ai essaye un peu de faire tomber les frontières. Effectivement, ouais. C'est plutôt l'idée d'effacer les zones. Mais oui, c'est un peu ça quand même, c'est s'intéresser à cet intermédiaire-là. Oui. Eh bien, Thomas Hims, on va explorer tout ça ensemble dans un instant parce que ça nous titille beaucoup d'en savoir plus avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent en ce moment, même en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Un siècle après Cook, Darwin, Haeckel, une équipe de scientifiques est partie explorer à son bord la face cachée des océans. Après une traque délicate, nous avons réussi à entrer dans un tourbillon foisonnant de vie, d'algues, de crustacés, de méduses, et plus étrange encore, un monde peuplé de bactéries et de virus. Voilà, Héloïse, on reste dans notre sujet autour de la vie, hein, avec cet extrait de la vidéo de présentation de l'expédition Tara Océan, et c'est aujourd'hui à la une de la science. Oui, Mathieu, Tara, c'est une des 22 équipes françaises et internationales qui a participé à l'étude dont on parle aujourd'hui. Alors, l'étude en question vient d'être publiée dans la revue Cell, et elle nous révèle que dans les océans, les virus pullulent, hein, littéralement. Mmh. Les scientifiques fournissent le catalogue le plus complet à ce jour des virus présents dans tous les océans du globe. Pour en parler, on est au téléphone avec Colomban de Vargas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et vous co-dirigez le programme Tara Océan. Alors expliquez-nous qu'est-ce que vous avez identifié exactement en termes de population virale dans les océans ? Alors ce qui est étonnant, c'est que pour la première fois, je crois qu'on a vu l'essentiel des populations virales dans les océans, en tout cas pour celles qui sont les plus abondantes. On n'a probablement pas vu les rares, mais on a vu l'essentiel des abondantes. Et en fait, on savait que les virus étaient extrêmement abondants dans les océans. À chaque fois que vous buvez la tasse, vous avalez deux, trois fois la population de la France en virus. Super. Ah bon, carrément. Ouais. Alors, on savait que les virus étaient très abondants, mais par contre, on connaissait encore très mal leur diversité. Et là, on a découvert 200 000 genres de virus dans les océans globaux de la planète, ce qui est à peu près 10 à 100 fois plus que ce qu'on connaissait auparavant. Et alors, ils sont répartis de manière uniforme ou ça dépend des océans ? Alors, en plus, voilà, il y a le deuxième point essentiel de ce papier, en fait, c'est qu'on a vu que il y a plus de 40% de cette diversité virale était dans l'océan Arctique. Et ça, c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant ? C'est étonnant parce qu'en fait, en biologie, en écologie, il y a un peu un dogme, en fait, qui est le gradient latitudinal de biodiversité, qui dit qu'en fait, la diversité est en général beaucoup plus élevée au niveau des subtropiques ou de l'équateur, et puis s'appauvrit en allant vers les pôles. Et là, au niveau des virus, on a vu cette espèce de foisonnement de diversité virale dans une partie de l'océan Arctique. En fait, c'est pas dans l'ensemble, mais dans une sous-partie de l'océan Arctique. Et alors, comment vous avez procédé, parce que ça paraît une tâche très très très lourde, comment vous avez référencé tous ces virus ? C'est un travail de très longue haleine. D'abord, on s'est affublé d'un très beau bateau, hein, le Tara, le bateau à voile. Ouais. Et puis après, on a sillonné les océans planétaires pendant 10 ans maintenant, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Et ce qu'on fait donc, c'est qu'on prend des morceaux d'océan. Donc pour les virus, c'est un minimum de 100 litres d'eau en fait. Mmh. Et on concentre cette eau, on concentre les particules virales qu'il y a dans l'eau, on les extrait toutes ensemble, hein, en masse, et puis on séquence la totalité de leur matériel génétique. Donc vous avez accès maintenant à un catalogue de gènes et d'espèces virales ? Donc maintenant, on a à peu près plus de 1,5 million de gènes viraux. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à assembler ces morceaux d'ADN et à reconstruire les espèces de virus. Donc ça, c'est vraiment fascinant parce qu'on commence à considérer les virus comme des espèces, un peu comme Buffon ou Linné, on décrit, hein, les plantes et les animaux. Là, on commence à faire une histoire naturelle des virus. Est-ce que Colomban de Vargas, vous avez trouvé tout type de virus, des plus petits jusqu'aux virus géants dans ces eaux de l'Arctique ou pas ? Alors, en fait, ce papier là dans Cell, il concerne surtout les virus de bactéries, donc ce qu'on appelle les phages. Mm-hmm. C'est des virus ADN. Mais en effet, alors c'est d'autres techniques en fait qui nous permettent de révéler les virus géants ou les virus ARN. Alors les virus ARN, ils sont encore totalement inconnus dans l'océan. Alors, ça peut sembler inquiétant, comme ça vous nous dites que quand on boit la tasse, on avale une famille énorme de virus. En pratique, qu'est-ce qu'on sait de l'interaction des virus avec les autres êtres vivants, ils ont une interaction particulière? Ben ça, en fait, ça c'est quelque chose qu'il faut. On a la tête parasitée par les travaux de Pasteur et les travaux des premiers virologues qui ont étudié que les quelques espèces qui tuent l'homme en fait. Hein. Mais en fait, là, le 99% des virus, c'est des organismes qui ont besoin de leur hôte pour se multiplier, donc ils ont besoin de la machinerie cellulaire, moléculaire dans les cellules pour se multiplier. Et donc en fait, ils ont besoin d'autres en pleine forme, et ils ont besoin d'écosystèmes en pleine forme pour se diviser. Et alors, très souvent, en fait, les virus qui font, la grande majorité des virus, en fait, ils essaient de maintenir leur hôte en bonne forme pour pouvoir se diviser eux-mêmes. Justement, Thomas, ça c'est un point que vous abordez dans votre livre, hein, sur l'aspect parasite des virus, ce qui fait qu'il y a une question sur leur classification dans le vivant. Hein. Oui, et puis sur leur interdépendance et la nécessité qu'on a d'avoir toutes ces petites entités qui sont microscopiques pour permettre l'existence des plus grosses, hein, c'est sûr. Et c'est typiquement sur ce genre de recherche que je me suis appuyé pour écrire le livre, les expériences de Tara Océan, dont Eric Arsenti parle évidemment abondamment et dont votre interlocuteur vous donne les derniers résultats. C'est vraiment en permanence l'observation naturaliste. Ouais. C'est un plaidoyer pour l'observation naturaliste, c'est-à-dire d'aller regarder la matière brute du vivant pour pouvoir se laisser surprendre par lui et après élaborer des constructions théoriques peut-être un peu qui tiennent la route, quoi. Colobrand Vargas, est-ce que l'on a des raisons de penser que les virus jouent aussi un rôle dans la régulation du changement climatique? Ben ça c'est très intéressant parce qu'en fait on a c'est dans une étude précédente qu'on a publiée dans Nature en 2016 en fait, où on avait vu qu'il y avait la présence de gènes viraux, donc on avait séquencé massivement. Ce qui est intéressant dans Tara, c'est qu'on séquence non seulement les virus, mais aussi tous les organismes, hein, les organismes, les bactéries, les protistes, les animaux et le phytoplancton. Et on avait vu qu'il y avait une présence de gènes viraux et de populations virales à l'endroit où l'océan absorbe particulièrement beaucoup de carbone atmosphérique et l'entraîne vers les profondeurs. C'est un mécanisme qu'on appelle la pompe biologique, et qui en fait permet la régulation du climat sur le long terme. Et donc ça, c'est des données qu'on a juste par l'analyse en fait de la totalité de l'écosystème. On n'a pas encore d'explication mécanistique pour ce mécanisme, mais on sait par contre que les virus sont très importants en effet dans la régulation de cette pompe à carbone. Et alors rapidement, à quoi ça sert en fait de connaître tous ces virus? Est-ce que ça va permettre de mieux comprendre les futurs changements par exemple? Bah, il va s'agir de comprendre non seulement en fait les virus, mais l'ensemble de l'écosystème. Mais aujourd'hui, ce qui est magnifique en fait, c'est que la biologie a enfin les outils qui sont la génomique et la microscopie à haut débit. En fait, pour un peu comme les physiciens en fait, interpréter en fait la complexité émergente des écosystèmes, non plus tellement par des études organisme par organisme qui sont essentiellement basées sur l'intuition, mais de driver en fait, enfin conduit par les données elles-mêmes. Donc je crois qu'on entre vraiment dans une nouvelle ère de l'écosystémique, qui est très intéressante. Merci. Merci beaucoup à vous, Colobrand Vargas, pour ces précisions suite donc à la publication de ce travail. Et puis Héloïse, on se retrouve demain à demain, Mathieu. Science. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Allez, on reste dans l'actualité scientifique avec ces scientifiques et diplomates de 132 pays qui se réunissent à Paris à partir d'aujourd'hui jusqu'au 4 mai pour adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de 15 ans. Enjeu très important, cette réunion a lieu dans le cadre de la 7e session de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Un nouveau rapport sur l'état de la nature établi par 150 experts internationaux va être présenté donc aux représentants des États. L'objectif étant d'améliorer les politiques en faveur de la biodiversité pour les 10 prochaines années. La nouvelle est un véritable crève-cœur. Presque tous les poussins nés dans l'une des plus importantes colonies de manchots empereurs, la colonie de Halley en Antarctique, sont morts en 2018 et c'est la fonte de leur habitat qui est la cause de cette hécatombe. La glace sur laquelle les couples de manchots élevaient leurs petits a cédé. La situation est d'autant plus triste que c'est la troisième année consécutive que le phénomène se produit. L'empereur est le plus gros des manchots, mais il semble particulièrement vulnérable au changement climatique. Ces populations de l'Antarctique pourraient décliner jusqu'à 70% d'ici la fin du siècle. siècle. Et puis un scanner nouvelle génération inauguré aujourd'hui aux Hospices Civils de Lyon. Ce scanner, qui n'est encore qu'un prototype, devrait permettre à terme de réaliser des images du corps humain avec une résolution 5 fois meilleure que celle qu'offrent les appareils utilisés actuellement. L'appareil lyonnais fera également des images en couleur, ce qui permettra par exemple de mieux distinguer les tumeurs des tissus sains. Le scanner est la méthode d'imagerie la plus pratiquée au monde, mais elle ne permet aujourd'hui que des images en noir et blanc. Un des porteurs du projet a annoncé que les expérimentations seraient d'abord menées sur de gros animaux avant de passer à l'homme. Allez, la question de la vie et du vivant dans un instant, dossier de la tête au carré. C'est étrange, c'est ahurissant, enfin, comme tu changes. Du jour au lendemain, ton cœur change. Un jour près, un jour loin, la distance. Et puis, est présent que le venant. L'existence n'a pas le goût du destin, mais je pense que ton âme le savait bien. C'est étrange, on parle et ne sert à rien, même un ange n'y comprendrait foutre rien. Et c'est son retour avec un nouvel album en extrait étrange, Stéphane Escher. La tête au carré. Thomas Himes, vous êtes l'invité de l'émission cet après-midi à l'occasion de la sortie de ce livre Infravie, le vivant sans frontières qui paraît au Seuil. Vous êtes maître de conférences en génomique à AgroParisTech, chercheur à l'INRA et vous enseignez les biotechnologies et l'histoire des idées scientifiques. On est en plein dans le sujet, hein, justement, de quoi réfléchir à cette grande question du vivant et les auditeurs qui nous rejoignent déjà avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Alors on a parlé virus justement un petit peu tout à l'heure. Il y a déjà une question d'ailleurs de Marie qui nous écoute et qui demande si les virus qui ne peuvent pas se reproduire seuls sont considérés justement comme vivants. Parce que je vous avais un petit peu posé la question tout à l'heure. En fait, ce sont des parasites. Hein. Alors, ce sont des parasites, mais le problème, c'est qu'on est tous un peu les parasites de quelqu'un d'autre sur cet grand écosystème qui est la Terre. Et évidemment, canoniquement, la réponse qu'on donne à ça, c'est que les virus ne sont pas vivants parce qu'ils n'ont pas de métabolisme propre, par exemple, et qu'ils dépendent d'une cellule pour se reproduire. Néanmoins, des grands virologues comme Patrick Forter expliquent bien que quand les particules virales, les virions rentrent à l'intérieur des cellules, ils peuvent pirater jusqu'à 80% de la machinerie cellulaire, et qu'à ce moment-là, on serait bien en peine de savoir si ce qu'on a sous les yeux, c'est la cellule, c'est un virus énorme en train de se reproduire. Donc les particules virales, les virions, sont pas considérées comme vivantes, mais dans le cycle de vie du virus, du cycle du virus, il peut y avoir des moments où il est vivant, et des moments où il arrête de l'être, sans mourir pour autant. Donc on est typiquement dans le genre de paradoxe que j'essaie de creuser dans ce livre. Exactement, parce que les choses sont loin d'être tout à fait binaires, évidemment, dans le vivant. Ouais. Et vous parlez d'ailleurs finalement de ces modes d'expression presque très original des êtres vivants aussi, hein, c'est ça? Ah oui, c'est l'enjeu, c'est plutôt de caractériser le vivant par sa créativité, son inventivité, plutôt que par sa capacité à trouver des formes d'ordre bien figé, quoi. Alors justement, Marie, dans cette première question, demandait par quels critères est-ce qu'on définit habituellement un organisme vivant? Alors, quoi on fait référence exactement? Parce qu'il faut poser le problème dès le début. Voilà, et c'est d'ailleurs le point d'entrée par lequel moi je me suis saisi de ce problème. Alors, il y a des manières simples de définir le vivant. On va dire c'est des entités qui vont être capables de se reproduire, d'avoir une forme de métabolisme et d'évoluer. Bon, voilà, c'est typiquement une sorte de petite réponse qu'on peut faire. Néanmoins, elles sont jamais complètement satisfaisantes. Il y a toujours des exceptions à la règle, des groupes qui échappent à ces recoupements. Et en fait, on s'est aperçu que des définitions du vivant, on pouvait en compiler plein. Il y a des articles qui compilent les définitions du vivant et qui font de l'analyse, tourner des logiciels pour extraire le jus de ces définitions. Il y en a plusieurs centaines qui existent. C'est dire la complexité de la chose. Voilà, hein, exactement. Ouais. Et quand on extrait le jus de toutes ces définitions, on arrive à quelque chose qui finalement conduit à retomber sur ses pattes et se dire que le vivant, c'est quelque chose d'un peu complexe, un peu organisé, un peu évolutif. On n'a toujours pas répondu à la question. Donc oui, il y a des manières assez simples de définir ce qui est un vivant comme un chat ou comme un arbre ou comme un humain, c'est possible, qui le différencie quand même assez radicalement d'un caillou. Sauf que quand on va gratter dans les formes de vie les plus, j'aime pas trop le mot élémentaire, mais en tout cas peut-être les plus discrètes, on s'aperçoit que ces frontières-là, elles tombent en fait assez rapidement. Ces entités-là, ces cellules-là, nous révèlent que nos frontières sont artificielles. Voilà. Et qu'on fait ce qu'on peut avec des frontières pour catégoriser et pour faire avancer la connaissance. Je suis le premier à utiliser des catégories, même si j'essaye de m'en défaire. Mais en fait, regarder le vivant en particulier, c'est se prendre à chaque fois des petits coups de règle sur les doigts en disant vos frontières, elles tiennent pas la route. Sauf que, évidemment, la classification, elle est quand même très très utile quand on fait de la science, hein, parce que sans elle, on serait dans un monde de brouillard absolu, non? La classification est très utile. On a aussi besoin de frontières dans notre rapport social au vivant. Quand on veut protéger la biodiversité, c'est bien qu'on protège quelque chose de particulier. On en parlait avec tout à l'heure. Il ne s'agit pas de dire que le vivant, c'est tout et n'importe quoi, parce que ça ouvrirait la porte à, évidemment, des directions que moi, je n'aurais pas du tout envie qu'on prenne. Donc, on voit bien que les lois d'éthique, par exemple, ne permettent pas de faire n'importe quoi sur des vivants. Enfin, voilà, y a plein de choses dans notre rapport au vivant qui justifient, en tout cas de manière pragmatique, des frontières. Mais ça ne veut pas dire que ces frontières, elles tiennent la route scientifiquement. Et il faut aller dans ce moment un peu compliqué qui est d'être clair là-dessus, de regarder les problèmes que ça pose sans forcément abdiquer de toutes les questions que j'ai évoquées juste avant. Donc ça, c'est un vrai sujet de discussion pour la biologie quand même. C'est un vrai sujet de discussion. C'est au cœur même d'ailleurs peut-être de cette discipline, non? Moi, c'est l'impression que j'en ai. Alors je sors de ce travail, donc j'ai un peu le nez dans le guidon encore, donc je suis peut-être un petit peu biaisé, mais il est évident que quand on voit ce qu'on nous présente souvent comme la pointe avancée de la biologie expérimentale, qui est la biologie de synthèse, ce que sont les biotechnologies et tout ça, où le vivant est vraiment conçu comme des petites machines de précision qu'on pourrait transformer en rajoutant des moteurs, des modules, des réseaux, en utilisant du vocabulaire, soit de la machinerie, soit de l'informatique. On s'aperçoit qu'on a une apparence de très grande modernité et pourtant, finalement, une réflexion assez pauvre sur ce que c'est que le vivant, qui est, à mon avis, exactement ce que des machines ne sont pas. C'est-à-dire, c'est de la fragilité qui fonctionne quand même, c'est de l'hybridation, c'est de la temporalité. Voilà, tout ça, les machines ne sont pas cela. Or, la vision la plus moderne, la plus en pointe des biotechnologies, de la biologie synthèse, c'est souvent de considérer le vivant comme des petites machines de précision. Donc, il y a un problème. Ouais. À un moment où, évidemment, on est en mesure aussi de créer de la vie artificielle, en tout on cas dans les laboratoires. Le plus possible, hein. C'est aussi un enjeu tout à fait important. Donc, on voit bien que tout ça est très poreux, hein, que ces frontières sont poreuses entre elles. Et on va écouter une voix. Alors, vraiment, hein, ça, c'est une vraie voix, celle de Jean Rostand, en 1955, parler de la diversité du vivant. Et vous allez voir, c'est beau comme du Jean Rostand. Les trois problèmes cardinaux de la biologie, celui de la formation de l'être, de l'évolution des espèces, de l'origine de la vie, sont à peine effleurés par les chercheurs. Ces trois problèmes, d'ailleurs, n'en forment peut-être qu'un seul, qui celui-là n'est même pas abordé, celui de la nature même de la vie. Aussi estimons-nous qu'après avoir marqué le caractère prestigieux de la biologie, il nous faut maintenant tâcher de faire comprendre ce qu'il reste de superficiel et d'un peu spécieux dans les conquêtes qui sont les siennes. Après le temps d'orgueil, le temps de modestie. Confrontons les pouvoirs restreints de l'investigateur avec l'énormité du mystère où il s'attaque. Sachons réduire à leur juste mesure nos triomphes d'apprenti. Sachons mettre une sourdine à nos ivresses de pygmées. Oh, c'est magnifique, hein, Thomas. Il y a une manière très tonitruante d'être modeste, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on pourrait dire certaines choses encore aujourd'hui qu'on entend dans le discours de Jean Rostand là. Ben, c'est-à-dire que oui, enfin moi cet appel à la modestie, je l'entends particulièrement. Bien sûr. Parce que bon, au-delà du fait qu'on sait jamais tout, qu'on a toujours beaucoup de choses à apprendre, ça c'est des banalités. Mais le vivant, par exemple, dans la volonté de fabriquer de la vie, qui maintenant est dans les laboratoires. Ouais. C'est, y a des travaux qui sont en cours. On sait très bien que c'est une volonté qui est immémoriale et que c'est une transgression. C'est considéré par toutes les sociétés comme quelque chose de transgressif. Bon, on est arrivé à un moment où les choses sont peut-être sur le point d'être possibles. Moi, mon regard, le changement de regard que je propose dans ce livre consiste à dire, ça sert à rien de vouloir franchir un seuil parce que de toute façon, la nature, elle franchit ce seuil-là et plein d'autres seuils à saute-mouton en permanence. Mmh. Donc, cet appel à la modestie dont Rostand parle, moi, je le réinterprète un peu dans mes propres termes en disant que quand on se laisse aller à la surprise de l'observation naturaliste, quand on regarde... Ouais. Mais l'évolution, c'est de la surprise permanente. Ah bah, hein. C'est de toute façon de la surprise. C'est la définition même de l'évolution. Dans le cadre d'une adaptation. Hein. Donc c'est aussi ça qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas n'importe quoi, c'est pas un foisonnement. Quand on parle de mouvement de la matière, quand je parle de mouvement de la matière, je parle pas d'un mouvement brownien qui partirait dans tous les sens, je parle de quelque chose qui est sanctionné évidemment par l'évolution darwinienne, mais il me semble que c'est dans cet aspect-là des choses qu'est l'originalité du vivant, et qu'on pourrait imaginer peut-être trouver sur d'autres planètes ou à d'autres échelles, mais... je pense que c'est à ça qu'il faut regarder de plus près. Oui. Alors, c'était intéressant aussi de proposer la voix de Jean Rostand, parce que ce terme d'infravie, lui-même l'a utilisé. Hein. Alors, c'est un des tout premiers, d'ailleurs. Je vais lui rendre quand même, les honneurs à César ce qui est à César. Qui lui sont dus. J'ai forgé ce néologisme pendant que j'écrivais le livre, du moins le croyais-je. Et j'en ai trouvé deux traces un peu antérieures, donc il faut les créditer. Un biologiste américain qui parle de infrabiology, donc où c'est un peu les mêmes sujets qui sont traités. Et puis Jean Rostand a parlé une fois ponctuellement dans un livre d'infravide. Mais est-ce qu'il voulait définir la même chose que vous ? Non, alors c'était pas du tout la même chose. Il y avait quelque chose qui était presque, je dirais, un petit peu vitaliste là-dedans. Il avait pas d'ailleurs une vision très très positive de ce terme. Donc voilà. Mais néologique. Enfin, si on parle de néologisme, il lui revient et il est d'ailleurs documenté dans les bases de données du CNRS. Absolument. Ouais. Votre idée, en tout cas, c'est que la vie n'est pas apparue d'un seul bloc, qu'il y a tout un continuum d'étapes et de formes de vie intermédiaires. C'est ce que vous appelez justement les infravies. Ouais. C'est l'objet de ce livre aujourd'hui dans La Tête au Carré, Thomas Hims. La tête dans les étoiles, tu pars, tu mets les voiles, et moi je rêve. Feito estrelas de amor, dançando na imensidão, e tem toda a vida pra amar. Je t'ai cherché sur la lune sans jamais. Très beau duo entre Yara Lapidus et Chico César à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Il a fallu 1,5 milliard d'années, 15 millions de siècles, pour que parvienne à se former cette cellule unique dont nous venons tous. La voici donc, cette soupe primitive, source de toute vie. Bonjour, je suis Enzyme, le bon génie de la cellule. Là, un gène. Des gènes devenus chromosomes. Voici qui fera un noyau de cellules présentable. Des mitochondries, sans doute d'anciennes bactéries englobées dans le corps de la cellule en formation. Une cellule est née, mais il faudra qu'elle se multiplie pour que puisse éclore la vie. 60 000 milliards de cellules pour un corps humain. Car tout dans la nature vivante, comme dans le corps, tout n'est que cellules. La peau et les os, les nerfs et les muscles, le cœur et le cerveau. Et chacune d'elles, organisme vivant et autonome, respire, produit de l'énergie, nourrit sa substance, se reproduit. Voilà Thomas Himes, il était une fois la vie, je ne sais pas si ça fait partie de vos sources d'inspiration. Vous avez regardé ça vous aussi quand vous étiez plus jeune. Évidemment, ça vous a peut-être même donné l'envie de faire votre métier aujourd'hui. Infravie, le vivant sans frontières, c'est ce livre passionnant que vous publiez au Seuil. Alors là, on avait la description de la cellule aussi. Justement, quand on parle des origines de la vie, est-ce qu'il faut remonter à la toute première cellule? Est-ce que ça a un sens de le définir comme ça? Alors, ça a un sens parce que généralement c'est un véhicule par lequel on essaie de caractériser ce que c'est que la vie. Donc, il faut bien qu'on s'attache au moment où il y aurait eu ce basculement. Moi, je pense qu'il y en a pas eu, mais je vais m'en expliquer. Voilà. Mais après, on peut dérouler le film de plusieurs manières différentes en fait. Et c'est vrai que dans les narrations classiques de l'apparition de la vie, on a d'abord une première molécule un peu géniale qui est capable de se reproduire. On parle de génie là dans l'extrait qui est capable de s'auto-répliquer. Puis après, elle trouve une capsule, une vésicule qui va lui permettre de la protéger. Puis cette vésicule va bien se diviser. Donc il y a une succession comme ça d'étapes un peu miraculeuses qui se mettent en place. Alors en fait, elles sont pas miraculeuses. Il faut comprendre qu'elles sont elles-mêmes le produit d'une sélection. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le récit classique qui est proposé par les scientifiques. Néanmoins, il y a quand même cette course vers nous en fait qui est lancée Et je propose de regarder. Alors, je suis pas un spécialiste moi-même des origines du vivant. J'en ai pas la prétention, mais je regarde tous les récits alternatifs qui peuvent exister. Je parle bien de récits scientifiques, hein, de choses qui sont publiées dans des revues à comité de lecture, où on voit que plutôt que de se poser la question de ce basculement, de cette étincelle de vie qui serait apparue, on peut s'apercevoir que sur des temps extrêmement longs, dans des matrices minérales, il y a pu avoir des premiers processus métaboliques qui coexistaient peut-être à certaines distances de processus reproductifs et que un jour ces entités-là, ces molécules-là se seraient rencontrées de sorte qu'elles étaient un peu, elles avaient un peu de vie, ces groupements de molécules avaient un peu de vie en eux bien avant de faire une première cellule complètement vivante. Donc ça, là on est au cœur des infravies, hein, justement. Exactement. Ce que vous décrivez là, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ces processus-là peuvent exister de manière soit différenciée, soit en symbiose les uns avec les autres, et on pense même assez clair que les choses ont dû se passer comme ça au moment de l'origine de la vie. En tout cas, c'est un scénario qui a largement le vent en poupe, qui est décrit dans un livre qui s'appelle « De l'inerte au vivant » par Marie-Christine Morel, qui fait référence sur les questions d'origine du vivant. Donc là, je suis pas allé chercher les choses dans des coins, dans des recoins cachés. Et la grande surprise, c'est aussi que ces phénomènes-là, à mon avis, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'ils n'existent pas encore aujourd'hui. Donc cette première cellule qu'on appelle Lucas, alors, Lucas, c'est le dernier ancêtre commun à tout le monde, mais il n'est pas du tout exclu que Lucas ait été précédé par toute une série d'ancêtres lui-même, dont on aurait, pour le coup, complètement perdu la trace, au moins la trace génétique. Exactement, c'est ce que je voulais dire, justement, c'est qu'avant Lucas, probablement, et si on se réfère aussi au scénario que vous proposez, il y avait bien des choses avant, et même peut-être dans le minéral. Alors ça, justement, il y a une question de Martine qui est très intéressante pour poursuivre là-dessus. Elle dit, la vie au sens primitif continue-t-elle d'abord à se créer sur Terre, et comment s'est fait la transition entre la matière minérale et la matière vivante? Parce que ça, c'est un vrai mystère. Effectivement, alors, est-ce que la vie continue à être produite sur Terre aujourd'hui? Une vie primitive, ça voudrait dire quoi d'ailleurs? Par exemple, une vie élémentaire, en tout cas, il faut faire attention quand on dit primitive, parce que ça laisserait entendre qu'il y a des vies plus évoluées que d'autres, et si elles sont là, c'est qu'elles sont adaptées, c'est la seule chose qui compte. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une énigme. Si la vie est apparue de manière naturelle une fois, pourquoi elle réapparaîtrait pas plusieurs fois? Il y a des gens qui se posent la question sérieusement. Alors, on a des réponses, des embryons de réponses, c'est que la vie est tellement efficace aujourd'hui qu'elle aurait peut-être tendance à tout balayer, à balayer un peu la concurrence qui pourrait arriver. N'empêche que c'est une vraie question qu'on est en droit de poser. Comment elle s'autonomise du minéral? Alors il y a des descriptions qui existent sur la manière dont certaines molécules obtiennent des capacités que peut-être les cristaux n'ont pas stricto sensu, d'autocatalyse par exemple. Mais votre auditrice a raison de poser la question comme ça, parce que quand on décrit les minéraux, on peut décrire la croissance des minéraux, on peut décrire leur division. Quand un minéraux est trop gros, il se casse. Et puis s'il trouve des éléments qui sont pas exactement ceux qui constituent sa structure cristalline, mais qui vont à peu près, il peut muter et devenir un peu différent. Donc ça paraît très vivant. Donc finalement, voilà, quand on utilise les catégories qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est un philosophe des sciences qui s'appelle Marc Bedeau qui raconte ça dans un article qui date des années 90. On voit bien que on peut, en jouant un petit peu, en jouant sur les mots, on peut appliquer beaucoup de choses qu'on appelle vivantes à des structures dont, quand même, honnêtement, pas grand monde ne voudrait considérer qu'elles sont vivantes. Et donc, du coup, plutôt que de considérer que tout ça est un problème, moi, je propose d'acter le fait qu'il y ait toute une série de formes transitionnelles un peu difficiles à définir. Dans le minéral, par exemple. Dans le minéral, par exemple. En n'oubliant pas qu'on est constitué aussi de minéralité. Hein. Je veux dire, l'ADN est un cristal, l'ATP est bois de phosphate. Le squelette, notre squelette, en lui-même, évidemment. Alors bon, tous les organismes n'ont pas de squelette, mais tout le monde a de l'ADN. Tout ce qui est vivant a de l'ADN. L'ADN est un cristal. Bon, je veux dire, de là, enfin, on a une relation à la minéralité qui n'est pas celle d'une autonomisation définitive. Et d'ailleurs, il y a même des spécialistes des minéraux qui racontent qu'il y a beaucoup plus d'espèces de minéraux depuis que la vie est apparue qu'avant qu'elle n'apparaisse. Donc on a aussi nourri la minéralité de la planète. Donc on est dans un rapport. Pour moi, la question, c'est pas comment on s'est autonomisé du minéral, c'est par quelle originalité on maintient un rapport de distance dynamique avec le minéral. Évidemment, pour des humains, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est tous issus d'autres vivants, on n'est pas issus de matrices minérales. Mais vous avez raison aussi, on en embarque en nous, on en a dans nos os, les arthropodes en ont partout, les coquillages, ce sont des minéraux. Donc on retrouve la minéralité partout, mais les polyphosphates, on en a aussi dans les organismes, dans les organismes comme les nôtres, et c'est des minéraux. Donc, mais alors c'est étonnant parce que finalement c'est tout un nouveau regard qu'il faut porter aussi sur le monde minéral qu'on voit quasiment comme quelque chose de mort et d'inerte. C'est vrai, vous avez raison. Hein, c'est un peu une des conséquences inattendues. Alors moi, je suis pas géologue, donc j'essaye un peu de défricher mon terrain et d'essayer d'avancer avec prudence et puis des arguments dans le domaine de la biologie. Mais vous avez raison. Il y a un contre-coup, il y a une déflagration qui peut s'étendre aussi à la minéralité. Mais quand Philippe nous dit, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que notre planète Terre serait elle aussi un être vivant dans le système solaire, lui aussi vivant, il a raison, non? D'ailleurs, les géologues nous parlent d'un système vivant, la Terre est très vivante. Évidemment, et puis on sait que c'est allé jusqu'à cette hypothèse Gaïa, que d'ailleurs qui n'est pas réductible à sa caricature, qui est une hypothèse qui a été formulée par un ingénieur, pas quelqu'un qui était un baba cool, c'était un ingénieur qui parlait d'une planète vivante, et quand il disait une planète vivante, il disait pas qu'elle se divisait par ses séparités, il avait bien compris, il était pas stupide. Par contre, il voyait bien qu'il y avait un écosystème, et il y avait des effets retour des vivants sur le reste de la planète, qui étaient marqués, qui étaient marquants. Donc, dans une certaine mesure, si on définit l'été par exemple la vie comme une relationalité, la Terre peut être caractérisée d'une certaine forme de vie, évidemment. Oui. Thomas Himes, Jérémy, qui nous dit certains cristaux ne sont pas inertes puisqu'ils bougent, grandissent et se multiplient. Est-ce qu'il s'agit d'infravie? C'est ce que vous nous décriviez. Ça pourrait être exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des caractères, des catégories qui sont usuellement utilisées pour vraiment qualifier le vivant, qu'on peut tout à fait, sans vraiment tordre les faits, à des minéraux. Alors, vous décrivez une faune étrange de structures issues du monde vivant, produites par lui, mais qui ne partagent que certaines de ses caractéristiques canoniques et des formes de vie intermédiaires, donc ses infravies, avec tout un bestiaire, finalement, d'hybrides. Alors, c'est le point qui, à mon avis, est le plus utile dans ce livre, parce que pour parler des origines transitionnelles du vivant, ça, d'autres que moi, les spécialistes des origines du vivant, évidemment, documentent ça depuis de nombreuses années, mais repérer qu'il existe encore des formes infravivantes aujourd'hui, c'est à mon avis un travail qui est peut-être un peu plus inédit. Oui. Et surtout qu'il est la condition d'existence du reste de la biosphère. Ce ne sont pas juste des marges, ce ne sont pas juste des freaks, ce sont vraiment des entités qui sont nécessaires. Je vais prendre un tout petit exemple rapidement. On a dans les années 2000, pendant qu'on séquençait les génomes, on est arrivé à un calcul du nombre minimum de gènes qui était indispensable pour un être vivant pour vivre. Et on a atterri autour de 205 gènes. C'était le chiffre qu'on avait calculé en comparant plein de génomes et en regardant. Une fois que ce travail très consensuel, très long, très besogneux a été fait pour arriver à ce chiffre, une équipe de chercheurs japonais a trouvé une petite bactérie qui vit à l'intérieur des cellules de certains insectes, qui possède 180 gènes, c'est-à-dire moins que ce minimorum absolu qu'on avait calculé. Et cette petite bactérie, elle est très largement dépendante de la cellule qui l'abrite, et ça fait penser, tous les biologistes, ils disent, tiens, ça me fait penser à une mitochondrie, qui est cet organite qui est une ancienne bactérie et qui permet de valoriser l'énergie de... C'est l'usine, quoi. L'usine à énergie de la cellule. Et donc, ce que des auteurs ont proposé, d'ailleurs, y compris ceux qui avaient participé à ce comptage de gènes, c'est de dire, on a sous nos yeux une structure qui est en train de cesser d'être vivante, qui est en train de devenir un organite. Et une des raisons pour lesquelles elle serait plus complètement vivante, ce serait qu'elle soit plus autonome. Mais ce qui pose une autre question en cascade, c'est la question de, est-ce que l'autonomie est une bonne manière de parler du vivant? Qui est autonome dans les vivants du monde aujourd'hui? Personne. On est tous dépendants d'autres vivants. Il n'y a pas de vie sans vie. Donc ça impose des définitions presque circulaires. Et ça, c'est un défi, y compris épistémologique. Il faut redéfinir finalement beaucoup, beaucoup de choses. À la lumière de cette réflexion. Voilà. Mais c'est passionnant et on poursuit notre discussion dans un instant. Thomas Himes, vous êtes notre invité. Et pour vous, des questions sur franceinter.fr. like heaven stood up in me. You said love fills you. You had your soul with you, c'était The National. La tête au carré. Sur France Inter. Alors, on a vraiment l'impression, en voyant ça, qu'il n'y avait qu'une vie possible. Je ne dis pas que ce soit tout à fait vrai. On n'en trouve qu'une. On n'en sait rien, mais on n'en trouve vraiment qu'une. Et on en trouve une seule depuis les êtres les plus simples que connaissions jusqu'aux êtres les plus complexes. Et par conséquent, il n'y a pas eu de branchement. Je veux dire par là que dans le cours des milliards d'années, où la vie a existé sur Terre, il ne s'est pas fait une branche complètement autre avec un mécanisme, avec des mécanismes tout à fait différents. Et au démarrage, il n'y a probablement eu qu'un seul système. Il n'y a peut-être qu'un seul système, mais la vie ne s'est apparue qu'une fois. En tout cas, celles que nous voyons proviennent toutes de la même origine. Il n'est pas certain qu'il n'y en ait pas eu d'autres qui aient été éliminées par la sélection naturelle, même que les espèces sont éliminées par la sélection naturelle. On ne peut pas savoir. S'il y avait un système vivant qui était beaucoup moins résistant, beaucoup moins adapté, il a pu disparaître complètement, envahi par le... Bon, eh bien, restons sur cette unité de la vie et peut-être l'unité même de l'apparition de la vie. Voilà, ça c'était en 1972 dans l'émission de France Culture « Les grandes avenues de la science moderne » avec le chercheur du CNRS David Perrin. Donc en 1972, cette proposition justement de ce scientifique Thomas Himes, un seul système au démarrage, il en doute aussi. On sent hein. un petit peu une gêne dans le... Ouais. Et puis ça, l'idée qu'un seul soit singulièrement apparu pose plein de questions parce que comme on le rappelle, il y a la sélection naturelle qui pourrait faire le tri, mais la sélection naturelle sur Terre, elle éradique pas les espèces, elle éradique beaucoup d'espèces, c'est un phénomène qui arrive, mais les espèces les plus faibles peuvent trouver des niches écologiques différentes, et donc il n'y a pas que de la compétition pour l'efficacité en fait. Ouais. Quand Jean-Claude nous dit par rapport à la définition du vivant, il y a se reproduire et évoluer bien sûr, mais les êtres vivants ne sont-ils pas d'abord des structures dissipatives, car sans énergie pas de vie. Alors il a raison, c'est une définition qui a été proposée notamment par Ilya Prigogine avec Isabelle Stengers dans La Nouvelle Alliance. C'est une définition qui est connue, que on pourrait définir la vie comme des structures dissipatives loin de l'état d'équilibre. Sauf que y compris dans ce livre, les auteurs racontent que d'autres systèmes absolument pas vivants, comme une flamme ou ce qu'on pourrait appeler une cellule de Bénard, qui est un phénomène purement chimique, rentrent complètement dans la catégorie de structures dissipatives. Donc oui, il a raison, quand on se reproduit, qu'on respire, qu'on dissipe, oui, effectivement, on commence à être indéniablement vivant, sauf que c'est toujours la même histoire, on trouve toujours des entités qui ne marchent pas sur toutes ces jambes-là. Quoi. Mmh. Pierre nous dit, quelles sont les formes d'infravie que l'on peut créer en laboratoire? Tiens, par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure, alors, on aimerait en savoir plus. Ouais. Évidemment, tout dépend du point de départ qu'on se donne, et peut-être même du point d'arrivée, mais vous avez par exemple actuellement des équipes qui essayent de et qui progressent d'ailleurs pour produire des petites molécules autoréplicatives, donc par exemple des petits ARN, donc autoréplicatifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables tout seuls de faire des photocopies d'eux-mêmes si on leur donne les briques élémentaires, et de les inclure dans des vésicules qui, elles, auraient la bonne autonomie pour pouvoir se diviser quand elles atteignent une taille critique, par exemple. Et donc, on pourrait imaginer que cet ensemble-là, fonctionnant bien, pourrait être vivant. C'est pas tout à fait le cas, parce que toutes les formes de vie incluent quelque chose de supplémentaire, qui est le couplage entre tout ça, c'est-à-dire l'interdépendance entre la vésicule et les molécules autoréplicatives, qui d'ailleurs passent par le métabolisme. Mais il y a des travaux comme ça qui sont menés pour essayer de... Alors, ils ont une ambiguïté, ces travaux. Ils sont absolument passionnants, il faut le dire. Hein. Je pense que les gens qui font ça sont sur un des fronts de science les plus passionnants qui puissent exister. Néanmoins, ils miment une histoire dont on n'est absolument pas sûr qu'elle ait existé, qui est que le vivant ait d'abord été très simple pour devenir plus complexe. Mmh. Et qu'on soit passé forcément par des choses très très élémentaires pour progressivement grossir. Il est possible que si ce sont des collectifs qui se sont agrégés pour fabriquer de la vie, des collectifs qui respiraient déjà un petit peu, avec des collectifs moléculaires qui se reproduisaient déjà un peu, que la vie soit apparue d'une certaine manière déjà complexe. Ouais. Alors qu'elle ne soit jamais apparue, comme c'est on disait ça. Tout ouais. à l'heure. Alors c'est ça, ouais. Finalement, ouais. Le vivant, c'est un boulot d'équipe, quoi. Exactement. Hein, ça se passe dans le collectif. Et c'est peut-être là qui est le problème majeur, de vouloir considérer la première cellule, toutes ces grandes étapes singulières. On voit vraiment des titans qui se passent la flamme de génération en génération, et en fait, progressivement, très probablement, la vie est un résultat d'échange, d'hybridité permanente. C'est-à-dire que si on avait été capable, et j'aimerais tellement pouvoir prendre une machine à remonter le temps, à remonter à cet endroit exact où les choses sont apparues, on n'aurait certainement pas vu une petite entité géniale qui serait apparue aux dépens des autres. On aurait certainement vu des choses se mettre en état de tension adaptative progressivement. Ouais. Et puis il faut imaginer, et ça cadre bien aussi avec cette image de la soupe primitive finalement, ces entités dispersées un peu partout, mais pourquoi pas, Oui, c'est ça, c'est que en fait, alors évidemment, il y a des spécialistes, je rappelle quelques scénarios qui sont défendus par certains spécialistes, et ils sont ouverts à la critique, hein. Il n'y a pas de... Ils ne règlent pas la question, donc je l'indique dans le livre, je prétends pas dévoiler des choses que personne n'aurait dites auparavant sur les origines du vivant, mais c'est vrai qu'à mon avis, les scénarios les plus intéressants, les plus stimulants aujourd'hui, sont les scénarios qui vont chercher des origines collectives à la vie, et ça nous pose plein de questions existentielles, évidemment. Alors, on va écouter la voix de Patrick Forterre, justement, grand biologiste français, reçu souvent au micro de la Tête au Carré, et justement, au sujet des virus, il évoque dans ce qu'on va entendre un grand virus, un virus géant, qui s'appelle Spoutnik. Alors Spoutnik est le premier virus capable d'infecter un autre virus. Cet autre virus, c'est un virus géant qui a été découvert par l'équipe de Didier Raoult à Marseille, le plus gros virus connu qui infecte des amibes et qui, lors de l'infection, donc, produit ce que l'on appelle une usine virale qui va servir à la production de nouvelles particules. Et ce virus Spoutnik est beaucoup plus petit que le très gros mamavirus, lui est capable en fait d'infecter ces usines, de rendre malade le virus, de faire en sorte que les virions produits sont anormaux, leur structure est anormale, et même de se retrouver à l'intérieur, de voler en fait au gros virus, ce qu'on appelle la capside, la coque qui normalement sert à protéger son génome. Donc c'est vraiment un parasite. De plus en plus de chercheurs pensent maintenant qu'on doit considérer les virus véritablement comme vivants, comme des organismes vivants, au même titre que les organismes cellulaires. Et d'ailleurs, de plus en plus, on s'aperçoit que les virus ont joué au cours de l'évolution un rôle très important. Et peut-être même que l'on peut dire que le conflit entre virus et cellules a été l'un des moteurs principaux de l'évolution biologique. Voilà Thomas Himes. Là, c'est important ce que nous dit Patrick Forter, parce qu'il défend aussi cette idée selon laquelle les virus auraient même précédé la vie cellulaire. Hein. Oui, d'ailleurs, alors ce sont des hypothèses qu'il est connu pour former, mais c'est vrai, dans l'extrait de tout à l'heure, on entendait des gens qui se demandaient s'il y avait peut-être eu des formes de vie avant la vie. Patrick Forter défend l'idée qu'il y a peut-être eu une sorte de grande guerre entre ces virus géants et les formes cellulaires, qu'elles se seraient peut-être un peu hybridées. Et c'est vrai qu'apprendre que des virus peuvent en infecter d'autres, ça veut dire que ceux qui sont infectés sont malades, et s'ils sont malades, c'est qu'ils sont bien un petit peu vivants quelque part. Et on a tous ces systèmes de poupées russes où l'un infecte l'autre qui est à l'intérieur d'un troisième. On a aussi ça avec des bactéries qui sont intégrées les unes aux autres à deux ou trois étages dans des cellules comme les nôtres, par exemple. Et donc, on est dans ces échanges permanents dans lesquels savoir quel est le périmètre, le contenu en gène de chaque individu n'a quasiment aucune importance. L'important, c'est la dynamique avec laquelle ils interagissent. Et Claire nous dit, quel est le rôle des virus dans la fabrique du vivant? Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient les ancêtres du vivant? Elle reprend exactement l'idée, en tout cas proposée par Patrick Forter. Hein, Je pense que c'est des hypothèses qui sont réactualisées avec l'apparition avec la découverte des gros virus. Parce que l'idée, c'est pas que les tout petits virus seraient devenus de plus en plus complexes et auraient fait des cellules, mais plutôt l'évolution ait testé évidemment de manière aveugle des formes, y compris très grosses. Hein. Faut rappeler que certains virus ont beaucoup plus de gènes que certaines petites bactéries. Donc, on est vraiment sur l'hypothèse qu'il y a peut-être eu des compétitions sur des manières d'être vivants. Comme disait Canguilhem, il y a peut-être eu des milliers de manières de vivre. Hein, voilà. Ouais. En tout cas, c'est la voie de la sagesse aussi, finalement, la conclusion de ce livre, Thomas Himes. C'est de ne pas catégoriser le vivant, hein, et d'être beaucoup plus modeste, pour reprendre Jean Rostancy tout à l'heure, pour justement être précautionneux par rapport à ces frontières entre le non-vivant et le vivant. C'est ce qu'on peut retenir, finalement, de ces infravies aussi. Toujours, hein. Garder à l'esprit que les frontières qu'on établit... dans la science et peut-être aussi ailleurs sont des premières approximations qui sont utiles mais qu'il faut savoir peut-être à un moment laisser tomber. Avec plein de questions éthiques aussi qui se posent. Les infravies soulèvent plein de questions parce que si vous pouvez pas caractériser la vie comme un ensemble d'entités, ça pose évidemment, ça met au défi la brevetabilité du vivant par exemple. À quoi ça sert de breveter des entités qui sont hybrides et qui seront pas les mêmes 5 minutes après que vous les ayez brevetées? C'est sûr que ça change la donne. Tout ça est passionnant et très vivant aussi dans sa conception même philosophique, intellectuelle des choses. C'était l'idée, oui. Voilà, avec cette diversité du vivant que vous décrivez. Et on attend la définition ferme et définitive, mais je crois que c'est une pas de mal à veille. Une mise en mouvement adaptative de la matière. Ah, ça c'est votre définition, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, ce vivant que vous nous décrivez dans ce livre Infravie, le vivant sans frontières. Le livre paraît aux éditions du Seuil. Merci Thomas Himes d'être venu aujourd'hui dans la tête au carré.